t'es pas guidé, ces choix qui t'échappent, ces invisibles barrières et ces lois qui t'échappent. Sens-tu ces schémas, ces chemins qui te conditionnent, sans sur ces morales, ces venins qui te contusionnent, cette perfide cortisone, cette voix c'est la doxa, c'est sur elle que toute notre société s'est adossée. Induction, le commun et préjugés alimentent les hiérarchies, croyances et modèles qui la cimentent. M'affirmant face à l'emprise de ces normes machinales, je fuis comme l'animal, je suis l'homme marginal. Je deviens antidox et anticonforme. Ma pensée fuit cette voix que mes hantises confortent. Je fuis cette voix sans futur, liberticide et corrosive au génocide économique, mais aussi écologique. Mes modèles s'inversent, mon humour est railleur. Mes voeux sont incompris et ma richesse est ailleurs. Elle infiltre à tes dépens, la doxa, la doxa. Tes rétines et tes tympans, la doxa, la doxa. Elle sème la certitude, la doxa, la doxa. Elle aime ta servitude, la doxa. Chaque jour, j'enlève ma pierre à l'édifice, démolis et divise, déconstruis et dissipe. J'avance à contresens, mais croise les régiments. C'est là que je comprends dans un grand déchirement qu'en réalité, c'est la même voie que l'on arpente, sans échasse pour la prendre, les écharpes sous la plante. Je vois la doxa et l'ampleur de mon addiction. Je ne suis qu'un rejet, un reflet, une contradiction. Esclave de contre-norme, contre-modèle, contre-force. Esclave de l'idée de liberté que l'on se forme. Les choses sont interdépendantes et de par la sorte, les volontés se conditionnent et entraînent leur paradoxe. Toutes les voix se croisent, se mêlent et se couvrent de sang, vu qu'elles s'entrecoupent et sont à double sens. Seul celui qui est apaisé, sans voix, sans résistance, sans désir, sans idée, goûtera la délivrance. Elle infiltre à tes dépens, la doxa, la doxa. Tes rétines et tes tympans, la doxa, la doxa. Elle sème la certitude, la doxa, la doxa. Elle aime ta servitude, la doxa. Sans trop se poser de questions, il est facile d'accepter n'importe quelle prise de position et d'y adhérer, pour peu qu'elle s'appuie sur la science ou une rhétorique en béton. Quand les choses tombent sous le sens, pourquoi chercher plus profond? Un discours propre, habile, transpirant la confiance fournie d'évidentes conclusions qui rassurent bien des esprits, ne laissant pas de place pour le doute et ses quelconques besoins futurs. De blessantes agrafes pour recoudre des plaies en manque de points de suture. Quand c'est dans leur couloir, aux impasses illusoires, les idées sont arrêtées, les yeux dans le vague, les pieds cloués, étouffées, vivantes, frappées de bouffées brûlantes. De quel droit on les manipule? Qui en détient le monopole? Quelle autorité, quel statut peut se rendre complice de tels abus? Orateurs, politiques, hommes d'affaires, médias, modérateurs de polémiques ou créateurs de lois, penseurs soi-disant critiques ou même rappeurs, pourquoi pas? Elle infiltre à tes dépens, la doxa, la doxa. Tes rétines et tes tympans, la doxa, la doxa. Elle sème la certitude, la doxa, la doxa. Elle est ta servitude, la doxa. Elle infiltre à tes dépens, la doxa, la doxa. Tes rétines et tes tympans, la doxa, la doxa. Elle sème la certitude, la doxa, la doxa. Elle aime ta servitude, la doxa, la doxa.